sélection. Le pied sous sélecteur. À mon tour, je bosse électo. Tu nous connais, c'est le secteur. La faute partie, mais on le dit tous les jours. Je roule un produit bizarre, la fumée sous les joues. Dans le quartier, y'a la police, mais t'inquiète, c'est léger. Mais s'il veut te dire ça, c'est comme ça dans tous les sous. La police en descend, tu sois un scooter à monter. Des fans m'arrêtent, me disent, c'est mal comment tu remontes. Mon temps. C'est pas si plus la bume, c'est un ton gris montagne. Et si on se voit peu, je suis dans l'argent pour gros montant. Ah, quand j'écris des textes, putain, quand c'est trop des bars. J'ai plus des yeux fermés, ils veulent me tester, gros débile. Et je me dis, ralentis, sinon tu m'en as trop d'écart. Mais en gros, la preuve pour mon poteau, c'est trop d'équerre. J'arrive sur le poteau, ils voient y'a des gros écarts. Ils savent que je vais les baisser, mais ils sont trop déter. C'est devant le calon, tu brilles la porte qu'un grand départ. La police s'énerve et contre la sèche, j'ai trop de pierres. J'entame la bouteille parce que le flash, il comptait pas. J'en ai fait du mal à ce qui me reste, c'est que des bons. Faut que le compte est parti dans les portes, le compte est pas. On me dit que Timon, t'as vu. Prestation hallucinante. Pourtant, je suis un loup savant. On râle, sinon. Et qui faut que tu trottines. Et mon côté fliard, sur moi quel bouquineur. J'ai retake de ruinard. Chérie, j'ai pas besoin de toi. J'me demande si mes amis sont sur mes 4-5 doigts. Quelqu'un de 4-5 pas. Mais pendant la même journée, ils désordent 4-5 fois. Et moi, j'me barrer de ses rues. Dans le boîtier, la barre est de ses rues. Ils veulent tous nous bloquer, c'est rare. Mais y'a rien pour eux, c'est rare. La qui porte petite routine. Et mon côté fliard, sur moi quel bouquineur. J'ai retake de ruinard. La qui porte petite routine. Et mon côté fliant, sur moi quel bouquineur. J'y retake de ruineur. J'y retake de ruineur. J'y retake de ruineur. J'y retake de ruineur. Ouais, c'est le mec t'as un pichon. Bande de taille. Vous faites maille. Bande de manches pierres, gardez-en une pour une maille. Ha ha ha ha.